Le 3 août, jour où Fabrice fut conduit à la forteresse, la duchesse rencontra Clélia à la soirée du ministre de l'Intérieur. Tout le monde faisait cercle autour d'elle. Ce soir-là, la beauté de Clélia l'emportait sur celle de la duchesse. Jamais, se disait-on dans le cercle de courtisans qui se formait autour des deux beautés à la mode et qui cherchaient à se mêler à leur conversation, jamais elles ne se sont parlé d'un air si animé et en même temps si intime. La duchesse, toujours attentive à conjurer les haines excitées par le premier ministre, aurait-elle songé à quelque grand mariage en faveur de la Clélia? Vers les 10 heures, un ami de la duchesse s'approcha et lui dit deux mots à voix basse. Elle pâlit excessivement. Clélia lui prit la main et osa la lui serrer. « Je vous remercie, et je vous comprends maintenant. Vous avez une belle âme, dit la duchesse, faisant effort sur elle-même. » Elle eut à peine la force de prononcer ce peu de mots. Les yeux de Clélia se remplirent de larmes en voyant passer la duchesse au milieu de ses salons, peuplés, alors de ce qu'il y avait de plus brillant dans la société. « Que va devenir cette pauvre femme, se dit-elle, quand elle se trouvera seule dans sa voiture ? Ce serait une indiscrétion à moi de m'offrir pour l'accompagner. Je n'ose. Combien le pauvre prisonnier, assis dans quelque affreuse chambre, tête à tête avec sa petite lampe, serait consolé pourtant s'il savait qu'il est aimé à ce point. Quelle solitude affreuse que celle dans laquelle on l'a plongé. Et nous, nous sommes ici, dans ces salons si brillants. Quelle horreur! Y aurait-il un moyen de lui faire parvenir un mot? Grand Dieu, ce serait trahir mon père. Sa situation est si délicate entre les deux parties. Que devient-il s'il s'expose à la haine passionnée de la duchesse qui dispose de la volonté du premier ministre, lequel est le maître dans les 3/4 des affaires? De notre côté, le prince s'occupe sans cesse de ce qui se passe à la forteresse et n'entend pas raillerie sur ce sujet. La peur rend cruel. Dans tous les cas, Fabrice, Clélia ne disait plus « Monsieur Deldongue » et bien autrement à plaindre. Il s'agit pour lui de bien autre chose que du danger de perdre une place lucrative. Et la duchesse. Quelle terrible passion que l'amour! Et cependant, tous ces menteurs du monde en parlent comme d'une source de bonheur. On plaint les femmes âgées parce qu'elles ne peuvent plus ressentir ou inspirer de l'amour. Jamais je n'oublierai ce que je viens de voir. Quel changement subi! Comme les yeux de la duchesse, si beaux, si radieux, sont devenus mornes, éteints, après le mot fatal où on est venu lui dire. Il faut que Fabrice soit bien digne d'être aimé. Elle s'approcha d'une fenêtre ouverte et à demi voilée par un rideau de taffetas. Elle espérait que personne n'aurait la hardiesse de la suivre dans cette sorte de retraite. J'avais bien raison de songer au cloître. Réellement, je ne suis faite que pour la retraite. Digne fille d'un geôlier, se sera-t-elle dit. Il me méprise, et dès qu'il pourra écrire à la duchesse, il parlera de mon manque d'égard, et la duchesse me croira une petite fille bien fausse. Car enfin ce soir, elle a pu me croire remplie de sensibilité pour son malheur. Clélia s'aperçut que quelqu'un s'approchait, et apparemment, dans le dessein de se placer à côté d'elle, au balcon de fer de cette fenêtre. L'archevêque Landriani s'approchait. « Mademoiselle, savez-vous l'horrible nouvelle ?»« Je n'ai rien appris, monseigneur. »« Mon grand premier vicaire, le pauvre Fabrice Deldongo, qui est coupable comme moi de la mort de ce brigand de Giletti, on l'a renfermé dans votre citadelle. Seriez-vous assez charitable pour remettre vous-même à Don Cesare, mon anneau pastoral que voici ?» La jeune fille avait pris l'anneau, mais ne savait où le placer pour ne pas courir la chance de le perdre. « Mettez-le au pouce, dit l'archevêque, et le plaça lui-même. « Puis-je compter que vous remettrez cet anneau ?»« Oui, monseigneur. Dites à Don Cesare que je lui recommande mon fils adoptif. Je prie Don Cesare de faire tenir également l'anneau que porte cette jolie main à M. Deldongue. » L'archevêque fut interrompu par le général Fabio Conti qui venait prendre sa fille pour la conduire à sa voiture. En recevant l'anneau pastoral de l'archevêque, Clélia s'était bien promis de parler à son père lorsqu'elle serait en voiture. Mais, durant tout le temps que l'on mit pour aller du ministère de l'Intérieur à la citadelle, elle se demanda s'il serait criminel à elle de ne pas parler à son père. En montant les 360 marches qui conduisaient au palais du gouverneur, Clélia ne trouva rien. Elle se hâta de parler à son oncle, Don Cesare, qui la gronda et refusa de se prêter à rien.